de ma falaise. Mais je n'ai rien vu poindre tout là-bas à l'horizon. Mais je n'ai rien vu poindre tout là-bas à l'horizon. Du haut de mon crassier, j'avais bonne mine pour de bon. Mais c'est maintenant la NPE qui cherche du charbon. Mais c'est maintenant la NPE qui cherche du charbon. En bas de mon estime, j'étais pas seul dans ma galère. Avec mon pote Rémi qui part en débit de boisson. Avec mon pote Rémi qui part en débit de boisson. Du haut de mon immeuble, une dernière pensée pour ma fille. Mais un chômeur qui meurt est plus utile à la nation. Mais un chômeur qui meurt est plus utile à la nation. De mon petit nuage, je regarde les gens pleurer. La sinistre Lorraine est une putain de région. La sinistre Lorraine est une putain de région. J'étais le roi de ma falaise. Mais je n'ai rien vu prendre tout là-bas à l'horizon. Mais je n'ai rien vu prendre tout là-bas à l'horizon. Du haut de mon crassier, je n'ai pas de mine pour de bon. Mais c'est maintenant la NPE qui cherche du charbon. Mais c'est maintenant la NPE qui cherche du charbon.